La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda. Extrait. Livre 4. Tome 3. Chapitre 7. Qui contient la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sa circoncision, l'adoration des rois mages. La très pure Marie prépare l'ange de l'enfant Dieu avec un très ardent désir de le voir bientôt naître. La divine grossesse de la mère du Verbe éternel, la très pure Marie était déjà fort avancée, et, pour agir, en tout, avec la plénitude de la prudence céleste, quoiqu'elle sût qu'il fallait indispensablement préparer l'ange, et les autres choses nécessaires pour l'enfantement si désiré, elle ne voulut rien entreprendre sans la volonté et sans l'ordre du Seigneur, et de son saint époux, afin de remplir en tous les devoirs d'une très obéissante et très fidèle servante. Elle eût pu se déterminer d'elle-même en ce qui regardait uniquement l'office de mère, et de mère seule de son très saint fils, à la formation duquel aucune autre créature n'avait pris part. Elle ne le fit pourtant pas, mais elle consulta son saint époux Joseph, et lui dit: « Cher Seigneur, il est temps de disposer les choses nécessaires pour la naissance de mon très saint fils. Et quoique sa divine majesté veuille être traitée comme les enfants des hommes, en s'abaissant à souffrir les peines qu'ils ont méritées, il n'en est pas moins juste que nous témoignions, en le servant et en entourant son enfance de tous les soins possibles, que nous le reconnaissons pour notre Dieu, notre roi et notre Seigneur véritable. Si vous le permettez, je commencerai à préparer les langes pour le recevoir. J'ai une toile de lin filée de ma main, qui servira pour les premiers. Vous, digne époux, ayez soin, je vous prie, de chercher pour les autres une étoffe de laine bien souple, bien douce et d'une couleur foncée. Car dans la suite je lui ferai une tunique tissée sans couture, qui lui conviendra. Et afin que nous réussissions en tout, faisons une prière particulière, et demandons à sa divine majesté de nous gouverner, de nous conduire et de nous manifester sa très sainte volonté, de manière que nous agissions selon ce qui lui sera le plus agréable. Épouse vénérée, répondit Saint Joseph, s'il m'était possible de donner le plus pur sang de mon cœur pour témoigner mon zèle à mon Seigneur et à mon Dieu, et pour faire ce que vous commandez, je m'estimerais fort heureux de le verser au milieu des tourments les plus atroces. À défaut de quoi je voudrais avoir de grandes richesses et des brocarts à vous offrir dans cette circonstance. Décidez ce qui sera convenable, car je veux vous obéir en tout comme votre serviteur. » Ils se mirent en oraison, et le Très-Haut leur répondit à chacun en particulier par une même voix, en renouvelant la science et les instructions que notre auguste princesse avait déjà reçues plusieurs fois, car sa divine majesté répéta à la très pure Marie et à son saint époux Joseph, « Je suis descendu du ciel sur la terre pour élever l'humilité et abaisser l'orgueil, pour honorer la pauvreté et mépriser les richesses, pour détruire la vanité, établir la vérité, et faire comprendre la valeur des peines de la vie. C'est pourquoi je veux qu'à l'extérieur vous me traitiez en l'humanité dont je me suis revêtu, comme si j'étais votre enfant commun. » Et intérieurement vous me reconnaîtrez pour fils de mon Père éternel et Dieu véritable, avec la vénération et l'amour qui me sont dus comme homme Dieu. » L'auguste Marie et Joseph ayant été confirmés par cette voix divine en la sagesse avec laquelle ils devaient agir dans les soins qu'ils prendraient de l'enfant Dieu, résolurent de l'honorer, comme le véritable être infini, du culte le plus élevé, et le plus parfait que l'on ait jamais vu entre les libres créatures, et de le traiter en même temps aux yeux du monde connu s'il était leur comme un enfant, puisque les hommes le regarderaient comme tel, et puisque telle était la volonté du Seigneur lui-même. Ils exécutèrent cette résolution et ce commandement d'une manière si accomplie, que le ciel en fut dans l'admiration. Je m'étendrai davantage sur ce sujet dans la suite. Ils convinrent aussi que dans leur humble sphère et leur pauvre condition, il fallait qu'ils rendissent tout leur service à l'enfant Dieu, sans faire autant que possible ni trop ni peu, afin que le secret du grand roi fût caché sous le voile de l'humble pauvreté, Tobie 12, 7, et que l'ardent amour qu'il lui portait ne fût point frustré des témoignages qu'il pourrait lui donner. Ensuite, Saint Joseph ayant reçu le paiement de quelques-uns de ses ouvrages, alla acheter deux pièces de laine, comme sa divine épouse lui avait dit, l'une blanche et l'autre qui s'approchait plus du violet que du gris. Et ce fut la meilleure étoffe qu'il put trouver. Notre divine reine en coupa des langes pour son très saint fils, et de la toile qu'elle avait filée et tissée, elle fit les petites chemises et les bandes du maillot propres à l'envelopper. Cette toile était fort fine, digne des mains qu'il avait fabriquées, elle la commença dès le jour qu'elle entra dans sa maison avec Saint Joseph, se proposant d'aller l'offrir au temple. Et quoique ce bon désir n'eût fait place qu'à un meilleur, elle porta néanmoins au Saint-Temple de Jérusalem l'offrande de ce qui en resta après qu'elle eut achevé les petites tartes de l'enfant Dieu. La Sainte Vierge les fit, les cousit, les arrangea toutes de ses propres mains, se tenant toujours à genoux, et avec des larmes d'une dévotion sans égale. Saint Joseph prépara toutes les fleurs et herbes aromatiques qu'il put trouver, et d'autres ingrédients, dont la différente mère fit une eau de senteur plus exquise que les parfums angéliques. Et après en avoir arrosé les langes consacrées à l'hostie, épître aux Éphésiens, 5, 2, et au sacrifice qu'elle attendait, elle les plia et les mit soigneusement dans un coffre, dans lequel elle les emporta plus tard à Bethléem, comme je le dirai en son lieu. On ne doit pas considérer toutes ces œuvres de la princesse du ciel à travers la lettre mort de mon récit, on ne doit pas les peser ainsi dépouillées de leur mérite, mais richement parées de leur beauté spirituelle, et remplies au-delà de toute mesure de la plus haute perfection que l'entendement humain puisse concevoir. Car, mère de la sagesse, mère et reine de toutes les vertus, elle traitait avec magnificence tous les ouvrages de la sagesse divine. Psaume 95, 6. Elle offrait le sacrifice de la nouvelle dédicace. 2, livre des Maccabées. 2, 9. Et du temple du Dieu vivant en la très sainte humanité de son Fils, qui devait bientôt naître. Elle connaissait, mieux que tout le reste des créatures, la hauteur incompréhensible du mystère de l'incarnation, et de la venue de Dieu sur la terre. Et elle redisait plusieurs fois, non par incrédulité, mais par admiration, avec un ardent amour et une profonde vénération, ce que Salomon disait en bâtissant le temple. Quoi, sera-t-il possible que Dieu habite avec les hommes sur la terre? Si tout le ciel et les cieux des cieux ne sont pas assez spacieux pour le recevoir, combien moins le sera cette habitation de l'humanité qui a été construite dans mon sein? Mais si ce temple, qui n'était que le trône où Dieu s'asseyait pour y entendre les prières qu'on lui adressait, fut bâti et dédié avec tant d'éclat et une telle profusion d'or, d'argent, de trésors et de sacrifices. 3 Rois 6, 7 et 8, que ne devait pas faire la mère du véritable Salomon dans la construction et la dédicace du temple, vivant ou habitait corporellement, dans toute la plénitude de son essence, le Dieu éternel et infini. Épître aux Colossiens 2, 9. Tout ce que figuraient ces sacrifices et ces trésors innombrables prodigués dans le temple matériel, L'auguste Marie l'accomplit, non en entassant l'or, l'argent et les étoffes précieuses, car alors Dieu ne demandait plus ses offrandes, mais en multipliant les actes des vertus les plus héroïques, et en accumulant les richesses de la grâce et des dons du Très-Haut, dont la possession lui inspirait mille hymnes de louange. Elle offrait des holocaustes qu'elle tirait de son cœur tout embrassé du divin amour. Elle prenait des écritures saintes, les hymnes, les psaumes et les cantiques, qu'elle appliquait à ce mystère, en y ajoutant plusieurs autres. Elle réalisait véritablement, quoique d'une manière mystique, les figures anciennes, par l'exercice des vertus, et par tous ses actes intérieurs et extérieurs. Elle appelait et conviait toutes les créatures à louer Dieu, à rendre honneur et gloire à leur Créateur, à attendre celui qui les devait sanctifier par sa venue. Et Saint Joseph, le plus fortuné des époux, l'imitait en plusieurs de ses œuvres. Aucune langue, aucune intelligence humaine ou créée ne saurait exprimer les sublimes mérites que la princesse du ciel acquérait par ses actes et ses exercices, ni la grande complaisance que le Seigneur y prenait. Si le moindre degré de grâce qu'une créature, telle qu'elle soit, reçoit par un acte de vertu qu'elle exerce, vaut plus que tout l'univers. Qui pourra estimer la valeur de la grâce que recevait celle qui ne surpassa pas seulement les anciens sacrifices, les offrandes, les holocaustes et tous les mérites des hommes, mais même ceux des plus hauts séraphins, auxquels elle était si supérieure? Les affections amoureuses que notre divine dame formait dans l'attente de son Fils et de son Dieu, qu'elle aspirait à recevoir entre ses bras, à nourrir de son propre lait, à entretenir, à soigner, à servir, et qu'elle adorait, fait homme de sa propre chair et de son sang, était si ardente, qu'elle se serait consumée dans ce très doux embrasement d'amour si elle n'eût pas été fortifiée par un secours miraculeux. Et elle aurait perdu plusieurs fois la vie, si son très saint Fils ne la lui eût conservée, car elle le regardait d'ordinaire dans son sein virginal, et par la lumière divine elle voyait son humanité unie à la divinité, tous les actes intérieurs de son âme très sainte, son adorable corps, les prières qu'il faisait pour elle, pour Saint Joseph, pour tout le genre humain, et particulièrement pour les prédestinés. Elle connaissait tous ces mystères et beaucoup d'autres, et, renfermant dans son sein le feu brûlant qui éclaire sans consumer, Exode 3, 2, elle s'enflammait de plus en plus du désir de l'imiter et de le louer. Abîmée dans cet incendie du divin amour, elle disait quelquefois à son très saint Fils, « Mon doux bien-aimé, créateur de l'univers, quand est-ce que mes yeux jouiront de la lumière de votre divine face ? Quand mes bras consacrés deviendront-ils l'autel de l'hostie que votre Père éternel attend? Quand baiserai-je, comme votre servante, la terre qu'auront foulé vos pieds sacrés? Quand obtiendrai-je comme mère le baiser que mon âme désire, afin de participer par votre divin souffle à votre propre esprit? Cantique des cantiques, 1, 1, etc. Lumière inaccessible que vous êtes, Dieu véritable de Dieu véritable, lumière de la lumière. Jean 1, 9, quand vous manifesterez-vous aux mortels, après tant de siècles qui vous ont caché à notre vue? Baruch 3, 38. Quand est-ce que les enfants d'Adam, esclaves par leur péché, connaîtront leur Rédempteur? Verront leur salut, et trouveront parmi eux leur naître, leur frère et leur père véritable. 1, Épître à Timothée, 3, 16, Ésaïe, 52, 10, 30, 20. Ô lumière et vertu de mon âme, mon bien-aimé pour qui je vis en mourant. Enfant de mes entrailles, comment fera-t-elle l'office de mère, celle qui ne sait pas faire celui de servante et qui n'en mérite pas le titre? Comment vous pourrais-je traiter dignement, moi qui ne suis qu'un pauvre ver de terre? Comment vous servirai-je, vous qui êtes la sainteté même et la bonté infinie, moi qui ne suis que cendre et poussière? Comment oserais-je parler en votre présence, et paraître devant votre divine majesté? Maître de tout ce que je suis, qui m'avez choisi, malgré ma petitesse, parmi les autres filles d'Adam, gouverner mes actions, diriger mes désirs et enflammer mes affections, afin que je fasse en tout ce qui vous sera le plus agréable. Que ferai-je, mon souverain bien, si vous sortez de mon sein pour souffrir des affronts et mourir pour le genre humain, si je ne meurs avec vous et si je ne vous accompagne au sacrifice, vous qui êtes mon être et ma vie? Faites, Seigneur, que ma vie empêche la cause qui doit vous ravir la vôtre, puisqu'elles sont si étroitement unies. Il n'est pas nécessaire que vous mouriez pour racheter le monde et des milliers de mondes. Laissez-moi donc mourir pour vous et endurer vos ignominies, et contentez-vous de sanctifier le monde et de dissiper les ténèbres des mortels par votre amour et par votre lumière. Et s'il n'est pas possible de révoquer le décret du Père éternel, afin que la rédemption soit abondante, livre des psaumes 129, 7, et que votre extrême charité soit satisfaite, épître aux Éphésiens, 2, 4, agréez mes affections, et faites que j'épare à tous les travaux de votre vie, puisque vous êtes, et mon Fils et mon Seigneur. La variété de ses affections et de plusieurs autres actes intérieurs rendait la reine du ciel très agréable et très belle aux yeux du prince des éternités qui reposait dans son sein virginal. Livre d'Esther, 2, 9. Et elle les subordonnait toutes aux actions de cette très sainte humanité déifiée, car la digne mère ne cessait de les observer pour les imiter. Il arrivait souvent que l'enfant Dieu se mettait à genoux dans ce sanctuaire pour prier le Père. Quelquefois il y étendait les bras comme voulant s'essayer à la croix. De là, comme il le fait maintenant du suprême trône du ciel, il regardait et connaissait par la science de son âme très sainte tout ce qu'il connaît à cette heure, sans que pût lui être cachée aucune créature présente, passée, ni future. Avec toutes ses pensées et tous ses mouvements, et il veillait sur toutes en qualité de maître et de rédempteur. Et comme sa divine mère découvrait tous ses mystères, et que pour répondre à cette science elle était remplie de grâce et de dons célestes, elle agissait toujours avec une si haute plénitude de sainteté et de perfection, que l'éloquence humaine n'a point de parole pour l'expliquer. Mais si notre jugement n'est perverti, et si notre cœur n'est devenu aussi dur et insensible qu'un rocher, il est impossible qu'elle avait, pour ainsi dire, au contact de tant de choses qui ne sont pas moins salutaires qu'admirables, notre âme ne soit pénétrée d'une douleur amoureuse et d'une humble reconnaissance. Instruction que la Sainte Vierge me donna. Je veux, ma fille, vous convaincre dans ce chapitre de la décence avec laquelle on doit traiter toutes les choses consacrées au culte divin, et blâmer en même temps l'irrévérence par laquelle les ministres du Seigneur eux-mêmes l'offensent de leur insouciance à cet égard. Qu'ils se gardent bien de mépriser ou d'oublier la colère du Très-Haut, qu'ils s'attirent par la grossière incivilité et par la lourde ingratitude avec lesquelles ils traitent les ornements et les choses sacrées, qu'ils manient d'ordinaire sans la moindre attention et sans le moindre respect. L'indignation de sa divine majesté est beaucoup plus grande contre ceux qui reçoivent les fruits et les gages de son très précieux sang, et les prodigues pour de basses vanités ou pour des choses profanes et plus répréhensibles encore. Ils recherchent pour leurs délices et leurs commodités ce qui est le plus précieux et le plus estimable, et réservent tout ce qu'il y a de plus grossier et de plus vil pour le culte et l'honneur du Seigneur. Je veux que vous sachiez que quand cela arrive, surtout à l'endroit des linges qui touchent le corps et le sang de mon très saint Fils, tels que les corporaux et les purificatoires, les anges, qui assistent au très éminent et très redoutable sacrifice de la messe, détournent, comme saisis de confusion, leur vue de ces sortes de ministres, et s'étonnent de ce que le Tout-Puissant les souffre et dissimule si longtemps leur témérité et leur manque de respect. Sans doute tous les prêtres ne commettent pas cette faute, mais il y en a pourtant beaucoup, et il s'en trouve à peine quelques-uns qui se distinguent par leur zèle en ce qui concerne le culte divin, et qui traitent extérieurement les choses sacrées avec la due révérence. Encore en est-il parmi ceux-ci qui n'agissent pas avec une intention droite et pour s'acquitter de leurs devoirs, mais par vanité et pour d'autres fins humaines. De sorte que ceux qui adorent purement et avec un cœur sincère le Créateur en esprit et en vérité, Jean 4, 24, sont fort rares. Considérez, ma très chère fille, ce que nous pouvons sentir, nous qui sommes en la présence de l'être incompréhensible du Très-Haut, et qui savons que sa bonté immense a créé les hommes, afin qu'ils l'adorassent et lui rendissent un juste culte, et que c'est pour cela qu'il leur a laissé cette loi, fondée sur la nature même, et qu'il leur a livré gratuitement tout le reste des créatures. Ecclésiaste 17, 3, 4, 7 et 8. Cependant nous voyons avec quelle ingratitude ils répondent aux largesses de leur Créateur, puisqu'ils lui disputent les mêmes choses qu'ils reçoivent de sa main libérale, et s'ils en destinent quelques-unes à son honneur et à son service, ce ne sont que les plus vils et les plus méprisables, Malachie 1, 8, réservant pour leur vanité les plus précieuses et les plus recherchées. On ne fait pas réflexion sur ce péché, qui n'est pas assez connu. Ainsi je veux que non seulement vous le pleuriez avec une vive douleur, mais que vous le répariez autant qu'il vous sera possible, pendant que vous serez supérieur. Donnez toujours le meilleur au Seigneur, et recommandez à vos religieuses de s'occuper avec simplicité et dévotion de l'arrangement et de la propreté des ornements sacrés, et d'en faire non seulement pour leur couvent, mais encore pour les églises pauvres qui peuvent en manquer. Qu'elles soient bien sûres que le Seigneur leur tiendra compte du zèle pieux qu'elles montreront pour le culte divin, qu'il remédiera à leur pauvreté, et qu'il subviendra comme un père aux besoins du monastère, qui ne s'appauvrira jamais par là. C'est l'office le plus propre et le plus légitime des épouses de Jésus-Christ, et elles devraient y employer le temps qui leur reste, après avoir assisté au cœur et satisfait aux autres obligations de l'obéissance. Si toutes les religieuses se portaient avec ardeur à ces occupations si honnêtes, si louables et si agréables à Dieu, il ne leur manquerait jamais rien, et elles formeraient sur la terre un état angélique et céleste. Et parce qu'elles refusent de s'appliquer à ce service du Seigneur, il en est beaucoup qui, privés de l'appui de sa main, se laissent aller à des légèretés et des distractions si dangereuses, qu'étant abominables à mes yeux, je ne veux pas que vous les écriviez ni même que vous y pensiez, si ce n'est pour les pleurer du plus profond de votre cœur, et pour demander à Dieu la cessation de péchés qui l'offensent et qui l'irritent plus qu'on ne saurait se l'imaginer. Mais parce que pour des raisons particulières ma volonté penche à regarder avec amour les religieuses de votre monastère, je veux que vous les engagiez et les excitiez en mon nom et de ma part, avec une douce violence, à vivre toujours retirée et morte au monde par un oubli constant de tout ce qui s'y trouve, à n'avoir de commerce que dans le ciel et avec les choses divines, Épître à Philémon, 3, 20. Et à conserver à tout prix la paix et la charité inaltérable que vous leur recommandez si souvent. Et si, m'obéissant sur ce point, elles tâchent de se maintenir en mes bonnes grâces, je leur promets, avec ma protection continuelle, mon intercession efficace auprès de mon très saint Fils, et je me constitue leur mère et leur bienfaitrice, comme je suis la vôtre. À cet effet, vous leur inspirerez toujours pour moi la dévotion spéciale et l'amour qui doivent animer leur cœur, car si de leur côté elles sont fidèles, elles obtiendront tout ce que vous souhaitez, outre les autres faveurs que je leur ferai. Et afin qu'elles se portent avec un joyeux empressement aux choses du culte divin, et qu'elles se chargent volontiers de tout ce qui le regarde, rappelez-leur ce que je faisais pour le service de mon très saint Fils et du Temple. Je veux que vous sachiez que les anges admiraient le zèle, la vigilante attention et la propreté avec laquelle je m'occupais de toutes les choses qui devaient servir à mon Fils et Seigneur. C'est dans cette sollicitude aussi tendre que respectueuse que je préparais tout ce qui était nécessaire pour son entretien, sans qu'il me manque à jamais rien, comme certaines personnes le pensent, pour le couvrir et pour le soigner. Toute la suite de cette histoire vous montrera qu'à cet égard la moindre négligence, la moindre inadvertance était incompatible avec ma prudence et avec mon amour. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Poussiel Gurusan 1857.